Ah, si les Tarasconnais avaient pu voir leur grand Tartarin couché dans son tiroir de commode, sur le jour blafard et triste qui tombait des hublots, parmi cette odeur fade de cuisine et de bois mouillé, l'écœurante odeur du paquebot. S'il avait entendu râler à chaque battement d'hélice, demander du thé toutes les 5 minutes et jurer contre le garçon avec une petite voix d'enfant, comme s'il s'en serait voulu de l'avoir obligé de ne pas partir. Ma parole d'historien, le pauvre auteur faisait pitié. Pour l'achever, les bougonnements de Tartarin Sancho, qui ne cessait de geindre et de pester. Imbécile, va! Je te l'avais bien dit! Ah, tu as voulu aller en Afrique? Eh bien, t'es, la voilà l'Afrique! Comment la trouves-tu? Pas un des autres passagers n'avait le mal de mer, et leur temps se passait à boire du champagne avec le capitaine du Zouave, un bon gros vivant de Marseillais, qui avait ménage à Alger et à Marseille, et répondait au joyeux nom de Barbassou. Tartarin de Tarascon avouait à tous ces misérables. Leur gaieté redoublait son mal. Enfin, dans l'après-midi du troisième jour, il se fit à bord du navire un mouvement extraordinaire qui tira notre héros de sa longue torpeur. Machine en avant! Machine en arrière! Criait la voix enrouée du capitaine Barbassou. Puis, machine, stop! Un grand arrêt, une secousse, et puis plus rien. Cet étrange silence épouvanta le Tarasconnais. Miséricorde! Nous sombrons! Cria-t-il d'une voix terrible. Et retrouvant ses forces par magie, il bondit de sa couchette et se précipita sur le pont avec son arsenal. On ne sombrait pas, on arrivait.